Prosper Mérimée par Adolphe de Circourt. Prosper Mérimée, né à Paris au commencement du siècle, n'a reçu que plus de 2 ans après sa mort le tribut d'hommage et de regret que l'Académie française décerne à chacun de ses membres. Il s'est éteint à Cannes à la fin de septembre de la terrible année 1870, se répétant la parole lugubre que la tradition poétique attribue à Camoens, « Au moins je meurs avec ma patrie ». M. de Loménie, qui remplace Mérimée, et M. Sandeau, qui a reçu M. de Loménie, n'ont pas épuisé le sujet de cet éloge. L'un et l'autre ont laissé beaucoup à dire de l'homme, quoique tous deux aient fait une étude sérieuse de l'auteur. Mérimée était une figure fort originale et qui ne fuyait pas la singularité. Il avait ses affectations, entre lesquelles la principale était de cacher soigneusement les meilleures qualités de son âme. Il s'accommodait également d'une vie très modeste et d'une situation élevée, jamais embarrassé de l'une et jamais enorgueilli par l'autre. Les biens matériels de la vie ne lui étaient point indifférents, mais la médiocrité mettait plus à l'aise les habitudes de son existence et celles de son esprit. Il a été sénateur, comme M. Viennet avait été pair, ce qui, pour tant d'autres, était le tout, pour ces deux véritables hommes de lettres, fut un simple accessoire. Mérimée n'affichait rien, mais il affirmait en toute occasion ses croyances. Dans l'ordre métaphysique, celles-ci furent toujours purement négatives. Dans l'ordre moral, elles se réduisaient au culte de l'honneur et à celui de l'amitié. Il fut noblement et jusqu'au bout fidèle à l'un et à l'autre. Ses opinions politiques étaient celles d'Horace. Nul regret de l'ancien régime, nulle passion pour la révolution. Le repos sous un bon maître lui paraissait, pour la nation, tel que l'ont fait les siècles et son propre caractère, le sort le plus supportable après tout. Pour l'art, la littérature et la science, rien de meilleur à ses yeux qu'un siècle d'Auguste. Fallut-il en demander la répétition en Russie à l'empereur Nicolas, en France à l'empereur Napoléon III. Ce dernier acquit à la reconnaissance de Mérimée des titres qui furent payés par un attachement sincère et même courageux. Au risque, et avec la presque certitude de déplaire au Sénat et à la Cour, Mérimée soutint ce qui lui semblait la vérité. Aucun des conseils funestes qui ont tant contribué à la chute de l'empereur et à la ruine de l'Empire ne passa sans une contradiction de Mérimée, modeste et ferme. Ce devoir accompli, Mérimée rentrait dans son rôle d'observateur dépourvu d'illusions et de causeurs caustiques, n'appuyant jamais sur une critique ni sur une prédiction. Il fallut attendre la dernière épreuve pour connaître à quel point le sentiment de l'honneur politique et de la gratitude était dominant dans le cœur de Mérimée. Dès le début de la campagne de 1870, il en avait prévu l'issue. Son heure approchait, il ne pouvait se mouvoir, parler même, sans abréger ses dernières heures. Il fit cependant l'œuvre d'un serviteur dévoué, se chargea d'une mission pénible et stérile, voulut être le dernier à baiser la main de l'impératrice, et ne quitta Paris qu'après la fuite de cette souveraine dont les erreurs politiques avaient plus d'une fois affligé son esprit. Il avait rendu de plus grands services à la marquise d'Aguesseau, qui venait de recevoir le coup de la mort par la perte d'une fille, objet de son aveugle adoration. Mérimée la réconcilia d'abord avec le reste de sa famille, et fut l'instrument qui tourna l'âme de cette femme remarquable vers l'éternité à laquelle lui-même ne croyait pas. Il y avait du tact, de la suite, de la tendresse même dans la bonté de Mérimée, quand une circonstance particulière lui en faisait connaître à lui-même la vérité naïve et la profondeur. Il affichait du reste l'incrédulité, et il aimait à la rencontrer dans les autres. Sa conversation entre hommes était volontiers très libre. Ses tâches se montrent dans plusieurs de ses écrits, dans ceux-là surtout qu'il réservait à un public peu nombreux, et choisi par lui avec des précautions minutieuses. Dans le monde, il était volontiers silencieux. Il n'aimait pas la polémique, et la seule pensée de la controverse le faisait fuir. Entre amis, et quand son esprit pouvait être à l'aise, sans se négliger entièrement, sa conversation était charmante, pleine de sel et de saillie, caractérisant chaque chose par un mot bref, juste et piquant. Il aimait à désappointer les sots en leur refusant de leur faire part de ses trésors d'intelligence. Jamais homme n'a moins prodigué son esprit. Sa réputation, de bonheur établie, le dispensait de tout frais. Comme écrivain, Mérimée fut précoce, et son talent ne déclina jamais, même quand sa santé ruinée lui rendait le travail moins facile. Il mourut la plume à la main. Il y a deux écrivains dans Mérimée, comme il y avait deux hommes en lui. L'érudit est patient, infatigable, lucide, concis, judicieux, un peu sec, évitant jusqu'à l'excès les conclusions absolues, les règles générales, peignant les hommes et les époques, ne les jugeant pas, mais laissant au lecteur sensé l'appréciation des personnes, des nations, des organisations politiques et religieuses. Son style est classique, dans l'expression juste du terme. Il avait beaucoup étudié le style de César, et s'en rapproche autant que le permettent les énormes différences des langages et des règles convenues pour la composition. Sa guerre sociale, son Catilina, lui ouvrirent à bon droit les portes de l'Académie des inscriptions, où il entra plusieurs années avant d'être reçu à l'Académie française. Ses travaux sur plusieurs portions de l'histoire de Russie, depuis l'extinction de la première dynastie jusqu'à la mort tragique du fils de Pierre le Grand, ont un mérite encore supérieur. Mérimée savait le russe, comme plusieurs autres langues vivantes et mortes, c'est-à-dire qu'il en sentait l'âme autant qu'il en connaissait le vocabulaire. Sa grande popularité fut acquise par des œuvres d'un ordre inférieur, si l'on veut, mais qui, s'adressant au public sans restriction, ont capté le suffrage des juges les plus sévères et font les délices des lecteurs les plus délicats. Mérimée ne fut ni dramaturge, ni romancier, ni essayiste de profession. Ses contes ont, en prose, la variété et l'excellence de ceux de La Fontaine en vers. Il y peint les phases diverses de sociétés qu'il connaissait de la cime à la base, et les époques si vivement opposées d'un âge dans lequel ont vécu plusieurs siècles, les hommes dont la vie, comme celle de Mérimée, a commencé aux promesses du consulat pour aboutir au désastre de l'Empire. La prédilection de son esprit le porte vers le fantastique et le tragique, mais il passe avec grâce au familier, au badin même, avec une pointe de mélancolie qui perce à travers le rire et l'apparente indifférence au bien et au mal. Medio de fonte leporum surgit amari aliquid. Quelquefois il touche à la vulgarité, par trop de fidélité au vrai dans la peinture de la société, ou plutôt des sociétés, en France. L'Espagne, la Corse, l'Ukraine, pays aux passions audacieuses, aux couleurs franches et heurtées, conviennent mieux à son pinceau. Matteo Falcone et Colomba méritent de vivre autant que notre langue. Notre langue, la véritable et pure langue française, elle fut l'unique objet de l'amour et de la vénération littéraire de cet admirable prosateur. Dès son entrée dans la carrière, il prit la résolution de la respecter, de l'orner, si la chose est encore possible après Voltaire et Montesquieu. Aucune tentation ne le détourna de cette vocation, quoiqu'il ait vécu et brillé dans un temps où l'extravagance des idées et la barbarie des expressions ont été des mines d'or pour un peuple d'écrivains et d'orateurs. De son vivant, Mérimée fut un de nos classiques. Il s'affligeait à la pensée qu'il pourrait en être un des derniers. Il connaissait toutes les ressources de la langue, mais il est loin de se les être appropriées toutes. Il n'employait que celles qui convenaient à son talent et qui s'adaptaient naturellement à son sujet. Disciple de tous les grands maîtres, il ne s'est attaché à aucune école à part. Il a trempé quelquefois sa plume dans l'encrier de Rabelais et n'a pas toujours évité le néologisme. Il est vrai que dans la description des mœurs familières d'une époque, il serait presque impossible d'écarter tous les mots qu'amènent et emportent l'usage populaire. Toutefois, dans les œuvres capitales de Mérimée, la pureté de la diction en égale la grâce et la clarté. Ses articles de critique littéraire sont des modèles. Ceux que, dans le journal des savants, il a consacré à l'histoire grecque de Georges Grote forment un résumé substantiel et lumineux de ce grand ouvrage. Comme inspecteur des monuments historiques, Mérimée a rendu des services essentiels à son pays. L'amour des arts, qui est aussi une religion, le rendait infatigable dans l'étude, la préservation, la restauration, au moins partielle, des magnifiques ouvrages de la Renaissance et du Moyen-Âge, échappés aux furies des guerres civiles et au mauvais goût des âges intermédiaires. Malheur au peuple qui néglige les monuments de leurs ancêtres. Ils méritent de ne point en laisser à leurs descendants. Érudit consommé et judicieux connaisseur, Mérimée s'était inspiré de la noble prophétie d'un poète avec lequel il avait tant d'analogies de caractère, tant d'affinités de génie. Delicta majorum immeritus lues, Romane donec templa refaceris, aedesque labantes deorum, et foeda nigro simulacra fumo. Combien, par les soins de Mérimée, ont échappé à une destruction complète, d'édifices de l'architecture religieuse, militaire, civile, des âges chevaleresques et de celui des Valois. Combien de perles de cette peinture sur verre, de cette merveilleuse sculpture française du XIIIe siècle, méconnue et maltraitée par nos pères, ont trouvé, par les soins du comité dont Mérimée était le guide, un asile assuré dans les salles du musée de Cluny. Mérimée s'assimilait les pensées et même les sentiments des vieux artistes. Aucun esprit de secte, aucune étroitesse de jugement ne le rendait indifférent ou partial. Ses rapports sur les monuments à classer, à réparer, à conserver dans leur état de ruine et de mutilation, quand la restauration en dénaturerait le caractère, sont des pièces précieuses dans les archives de l'art et de l'érudition. C'est à ce point de vue que, de bonne heure, et quand il n'était encore accepté que comme un conteur aimable, il avait pris rang parmi les écrivains sérieux. Mérimée eût été, sans la bonté native de son cœur et le désir de conduire paisiblement sa vie, un satirique de premier ordre. De sanglantes épigrammes sur les ridicules de plusieurs régimes se rencontrent semées dans les Espagnols en Danemark, le Vicolo di Madonna Lucrezia et bien d'autres de ses pièces. Une seule fois, il osa s'abandonner à sa verve satirique, et ce fut à l'occasion de la défense d'un savant, chez qui l'amitié, qui elle-même a son bandeau, l'empêchait de reconnaître un coupable. La justice était mise en cause, et celle-là ne plaisante pas. La leçon fut comprise, elle n'altéra pas un seul jour la sérénité moqueuse de l'écrivain. Le caractère de curiosité érudite qui l'accompagna dans sa longue carrière littéraire ne se montra nulle part plus marqué que dans ses recherches sur les mœurs, les migrations et la langue des bohémiens. Cette race étrange, diffuse, indestructible, se propageant sous tous les climats au sein des persécutions et se multipliant à travers les privations les plus cruelles, empruntant des mots à tous les langages et des superstitions à tous les cultes, mais persistant à n'avoir d'autre loi que celle du mariage et d'autre affection qu'un amour indompté pour sa propre race, avait singulièrement fixé l'attention de Mérimée. Il se proposait de lui consacrer un travail étendu dont les matériaux, recueillis avec un soin minutieux, ont péri, avec le reste de ses manuscrits, ses collections d'art et sa belle bibliothèque, dans l'incendie de sa maison, l'une de celles qui furent détruites par la horde frénétique dont l'armée nationale, deux jours plus tard, délivra Paris et l'humanité. Mérimée n'a connu qu'imparfaitement les joies de la famille. Néanmoins, il eut le bonheur de conserver jusqu'à un âge assez avancé une mère à laquelle il avait voué une vive affection. Jamais il n'éprouva les angoisses de l'isolement. Ses amis furent nombreux, et il s'efforçait d'être pour eux davantage, peut-être, qu'il n'était pour lui-même. Avec les plus illustres, il demeurait à l'aise. Avec les plus humbles, il était attentif et prévenant. On eût dit qu'il voulait se dissimuler à lui-même les services qu'il réussissait à rendre. Les différences les plus marquées d'opinion politique, de convention religieuse, n'apportaient aucune gêne dans son commerce, aucun refroidissement dans son intimité. S'il eût vécu dans un des âges de la chevalerie, on lui aurait appliqué l'éloge naïf que Chaucer donne à l'un des pèlerins joyeux et pensifs qu'il fait passer sur la scène variée de l'existence. « He was a very perfect gentle knight. » Ses contemporains le regretteront longtemps comme un noble cœur et un charmant esprit. Adolphe de Circourt.